Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va faire de la gymnastique avec des oiseaux. Non, je rigole, on va pas faire de la gymnastique, mais on va parler pyramide! Allez, c'est tout de suite! Comment ça va, Sophie? Bah écoute, ça va bien. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler cette fois-ci. Je me trompe. Ah, je sais pas si on va rigoler. En tout cas, on va apprendre encore des choses fantastiques sur les oiseaux. Mmh. Voilà. Toi, tu vas nous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que le mien. Plus sérieux, plus sérieux. Qui va être de la spéciation, c'est ça? Ouais, on va parler de spéciation et de un peu tout ce qui tourne autour des hybrides chez les oiseaux en règle générale. Et puis, je vais vous emmener au Panama pour ça. Voilà. Oh, incroyable. On va voyager un petit peu. Incroyable. Et ben, moi, je serai pas très loin puisque on ira au Mexique et dans l'État du Texas aux États-Unis. Voilà. Quoi. Voilà, on aura l'occasion de voir ça dans la deuxième partie de l'émission. D'accord. Sophie, du coup, hybridation. Ouais. De quoi vas-tu nous parler d'oiseaux panaméens? Eh bien, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de deux petits oiseaux, du coup, vu qu'on parle d'hybride. Le manakin à col d'or et le manakin à col blanc. Les manakins, les manakins. Je dis manakins, alors je sais pas si... Ouais. Je sais pas, moi j'ai manakin. Toujours entendu manakin en français. Après, peut-être que les deux se disent... C'est peut-être la déformation anglophone de mon côté, désolé. Non, mais je suis même pas sûr, moi, de ma prononciation, donc pour te dire... Mais bref. Je crois pas l'avoir jamais entendu en français, alors je suis désolé si c'était manakin au lieu de manakin. Bon, s'en fiche. Tant pour moi. Quoi qu'il en soit, des oiseaux exceptionnels qui sont capables de faire du speed dating, et ça c'est incroyable. Oui. Mais je pense pas qu'on parlera de ça. Pas aujourd'hui. Ça dit, le speed dating, ça va rentrer un petit peu dans le sujet, vu qu'on va parler de reproduction aussi, évidemment, donc il faut savoir un peu comment ça se reproduit, ces bestioles-là. Les gens doivent se dire, mais attendez, comment ça, du speed dating? Bah à la rigueur, tu pourras nous expliquer, tiens, tu veux nous expliquer mais pourquoi oui, il fait du speed dating? Je vous expliquerai ça assez vite. Eh ben oui. Donc, quand on parlera de leur pro, écoute, n'hésite pas. Et du coup, ces petits manakins, donc il y en a un, comme j'ai dit, à col d'or et un à col blanc, hein, c'est les noms, c'est comme ça. Évidemment, celui qui est à col d'or, vous avez une superbe gorge bien jaune, bien dorée, c'est très très beau. Et puis celui qui est à col blanc, eh ben, évidemment, hein, comme son nom l'indique, c'est blanc. Il y a aussi le ventre qui change un petit peu, donc tous les deux ont une petite capuche noire sur la tête, c'est trop mimi. Le dos est généralement dans une sorte de noir gris foncé. Et le ventre, par contre, va varier entre les deux espèces. Le manakin à col d'or a un ventre un peu plus vert olive, et le manakin à col blanc a un ventre jaune. Et les pattes sont d'un beau rouge pétant. Oh. Voilà. Donc des petits oiseaux très colorés, c'est essentiel pour le speed dating. Alors, les manakins à col d'or et les manakins à col blanc vivent tous les deux au Panama. Et le manakin à col blanc va vivre plus dans la partie nord-ouest du pays. Et le manakin à col d'or va vivre dans la partie sud-ouest du pays. Et entre les deux zones de répartition, vous allez avoir une zone que l'on appelle une zone hybride. Où alors les deux espèces vont se rencontrer et il va y avoir création d'hybrides avec reproduction donc entre les membres des deux espèces. Et cette zone hybride au Panama a été étudiée déjà il y a 30 ans dans une étude qu'on vous mettra en description, mais a été réétudiée dernièrement alors que je retrouve la date exacte de l'étude de cette année, donc c'était le 16 mai dernier, donc c'est très récent. Et ils sont repartis sur les traces de l'étude d'il y a 30 ans pour essayer de déterminer 2-3 trucs sur la génétique de ces populations hybrides, donc, et aussi les différences phénotypiques, donc physiques, que vous allez avoir dans ces populations hybrides, et savoir s'il y a un clin de variation entre les populations pour voir un petit peu comment est-ce que ça se répartit tout ça, est-ce que la génétique correspond au phénotype, etc. Donc plein de questions intéressantes à regarder, et aussi une question sur l'évolution dans le temps de cette génétique et de ce phénotype des hybrides dans cette zone hybride. Voilà. Ok, intéressant. Donc un beau programme et une très belle étude. Et surtout la possibilité justement d'avoir la comparaison avec ce qui se passait il y a 30 ans. Exactement, et c'est là tout l'intérêt de l'étude, c'est qu'on va pouvoir voir en fait, on va pouvoir catégoriser cette zone hybride. Et il faut savoir d'ailleurs à propos des zones hybrides que ce sont des zones qui sont encore pas toujours très bien connues. On a quelques idées parce qu'on a quelques exemples de ce que c'est qu'une zone hybride, mais on a un peu du mal à les catégoriser parce qu'il y a plusieurs types de zones hybrides. Alors pour faire simple, je vais vous citer les trois grands types de zones hybrides que l'on connaît actuellement. Donc les zones hybrides, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une zone de contact entre deux espèces qui se sont généralement séparées par une spéciation, par exemple une spéciation allopatrique, c'est-à-dire que vous allez avoir à un moment au milieu d'une espèce, de l'aire de répartition d'une espèce, de l'avoir création d'une barrière, alors quelle qu'elle soit, ça peut être un fleuve qui va se mettre à passer là, ça peut être une montagne, ça peut être l'humain tout simplement qui a décidé de créer une route. Vous allez avoir une barrière qui va se créer, qui va couper cette population en deux, et les deux morceaux de la population vont évoluer séparément chacun de leur côté, c'est ce qu'on appelle une allopatrie. Et ensuite, une fois peut-être que cette barrière physique a été enlevée, ça peut arriver dans certains cas, le fleuve va changer son cours par exemple, la route ne sera plus vraiment une route, elle va être à l'abandon, et du coup les plantes vont revenir et les oiseaux vont pouvoir, ou les espèces d'insectes par exemple, pouvoir retraverser à nouveau. Enfin bref, il y a des moyens comme ça de recoloniser en quelque sorte cette barrière préalablement entre les deux zones. Et grâce à ça, les deux morceaux de l'espèce qui avaient évolué chacun de leur côté vont de nouveau être en contact, et on va pouvoir créer des hybrides si les deux espèces ne se sont pas suffisamment éloignées pour ne plus pouvoir se rencontrer du tout. Parce qu'il y a aussi cette possibilité, évidemment, quand vous séparez une espèce en deux, il y a possibilité qu'au bout d'un moment, les deux morceaux de l'espèce soient tellement séparés que les deux espèces ne puissent plus du tout se reconnaître comme faisant partie de la même espèce, et donc ne puissent plus se reproduire entre eux, et ne puissent plus créer d'hybride, tout simplement. Alors une question me vient, Sophie, si je peux me permettre. Vas-y. Qu'est-ce qui est le devenir des sous-espèces ? Est-ce qu'on est encore dans ces différences qui vont avoir lieu ? À quel moment on parle d'une nouvelle espèce ? Et finalement, c'est quoi une sous-espèce ? Est-ce que ça inclut justement ce phénomène d'hybridation ? Oui, ça peut tout à fait inclure le phénomène d'hybridation. Une sous-espèce, alors faut savoir que l'espèce, la sous-espèce, c'est toutes des petites boîtes qu'on a fabriquées en tant qu'humain parce qu'on aime bien classer les trucs. Voilà. Et en fait, dans ces petites boîtes, on se rend compte que souvent nos définitions d'espèces sont assez restrictives et ne couvrent pas forcément toutes les possibilités qu'on va avoir dans la nature. Donc, la notion d'espèce, en fonction de la définition que vous donnez à l'espèce va être différente pour les différents chercheurs et scientifiques de par le monde en fonction de comment et qu'est-ce qu'ils étudient et qu'est-ce qu'ils considèrent être une espèce. Donc par exemple, pour les paléontologues, une espèce, ça va plus être catégorisé sur le physique de l'animal, en fonction de ce que vous allez retrouver, donc des os de taille différente, des dents différentes, etc. Pour un généticien, ça va être basé sur la génétique, on va dire c'est plus ou moins proche, donc on va décider de faire une espèce différente parce que on a une certaine distance génétique entre ces deux espèces, avec des gènes qui sont différents ou des allèles qui sont très différents. Pour quelqu'un qui va étudier peut-être les espèces actuelles, un biologiste qui va étudier les espèces, les oiseaux actuels, il va peut-être définir une espèce sur la possibilité qu'ont ces espèces de se reproduire ensemble. Donc, il y a plusieurs possibilités pour qu'ils se reproduisent ensemble. Déjà qu'il faut qu'ils soient côte à côte, parce que deux espèces qui peuvent se reproduire ensemble, mais qui sont chacune à un bout du globe, physiquement dans la nature, ils ne se reproduisent pas ensemble. C'est une de toute longue façon. Migration qu'il va falloir faire. Exactement. Donc voilà, on peut aussi définir l'espèce aussi sur des repères géographiques. Et puis on va aussi définir l'espèce sur est-ce que les espèces, enfin les individus qui se reproduisent ensemble sont capables d'avoir une descendance viable et surtout fertile. Donc on a plusieurs définitions d'espèce encore une fois, et la sous-espèce c'est simplement des catégories qu'on fait en plus pour dire ces morceaux d'espèces, ces populations sont capables de se reproduire ensemble, ça ressemble plus ou moins à la même chose, hein, c'est plus ou moins la même espèce, mais il y a quand même des différences de population. qu'on va appeler sous-espèces, et dans ces populations, vous avez des caractéristiques physiques qui peuvent être bien spécifiques à cet endroit-là, par exemple. Moi, je parle des guépards, par exemple. On a certains guépards qui vont être peut-être un peu plus élancés dans une certaine partie de l'Afrique. Okay. Dans une autre partie de l'Afrique, ça va être des animaux qui sont peut-être un peu plus râblés, un peu plus musculeux, peut-être. Donc, vous avez des caractéristiques physiques comme ça qui vont être spécifiques de certaines populations que l'on va du coup appeler des sous-espèces. Incroyable. Tout simplement. Revenons aux mannequins. Les mannequins. Mais du coup, tu veux pas nous expliquer cette histoire de speed dating ? Ah, mais si, je vais vous expliquer. Donc du coup, c'est chez le mannequin à longue queue. Mm. Alors vous allez me dire, mais comment ils font du speed dating ? Bah, c'est très simple, il y a une femelle qui se perche sur une branche, et vous avez 3-4 mâles qui se perchent à l'opposé de cette branche, et vous avez des mâles qui décident de s'envoler pour montrer un petit peu qu'ils sont les meilleurs, et ils se positionnent derrière la file qui est constituée de mâles. Le second mâle passe en premier, fait son petit vol, impressionne la femelle, revient en arrière, donc il prend la quatrième place, puis ensuite c'est au tour de l'autre mâle de se présenter, de faire la queue, comme tout le monde, et à la fin, ça finit soit par la femelle qui choisit, soit par la femelle qui s'en va. Dans ce cas, ça veut dire qu'aucun des quatre ou des autres mâles n'a été convaincant. Voilà. C'est terrible, ça, quand même. Hein. Mais c'est comme ça. Il faut tout donner pour impressionner sa partenaire. Mais est-ce qu'on a du coup des décolorations, des manières de voler peut-être qui sont plus intéressantes ? Pas vraiment, en réalité. On a des vidéos sur Internet, vous pouvez voir ça. C'est documenté, ces fameux speed dating. Mais non, c'est plus spécialement peut-être la façon dont l'oiseau bat des ailes, peut-être l'altitude à laquelle l'oiseau justement va voler, la façon dont il va décoller, la façon dont il va atterrir. Mais il n'y a pas spécialement de véritable différence, en tout cas pas à ma connaissance, mais peut-être qu'il y a des études qui sont sorties ou qui sortiront, qui nous montreront effectivement que les femelles choisissent en fonction de critères un petit peu plus objectifs. Mais c'est terrible ça, c'est intéressant en fait, c'est comme pour nous au final. C'est incroyable. Ah, enfin bref, je sais pas du coup si les mannequins à col d'or et les mannequins à col blanc pratiquent le speed dating ou pas, faudrait que je me renseigne, tiens. J'en suis pas sûr, par contre je crois qu'il y a une autre espèce qui pratique, et là vous allez faire, non, qui pratique le moonwalk. Oui, vous avez tous vu cette vidéo, elle est top quand même, il y en a une qui tourne sur internet depuis des années, il est top. Ah, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Pareil, comme le dit Sophie, vous avez une vidéo sur internet qui vous montre les oiseaux en train de faire un moonwalk, ou plutôt un oiseau en train de faire un moonwalk. Mais oui. Enfin, c'est assez dingue. Mais les oiseaux nous surprennent toujours. C'est fantastique. Absolument génial. Bon, pour en revenir à nos mannequins ou à nos mannequins, oui, à col d'or et à col blanc, parce qu'on n'arrivera jamais à la finir cette émission, sinon je sens qu'on va y passer trois quarts d'heure. Hein. Attention, hein, vous êtes prévenus. Hein. On fera une spéciale mannequin, c'est pas grave. Pour en revenir à nos chers petits mannequins. Très jolis oiseaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les photos si vous voulez, hein. Ça vaut le coup. On l'a déjà dit il y a 10 minutes, je crois. Oui, mais quand même, j'insiste. C'est vrai, il faut insister, ce sont des très très beaux oiseaux. Voilà. Donc, pour repartir sur nos hybrides, on va commencer par la publication donc d'il y a 30 ans, qui nous expliquait déjà que c'était assez amusant parce que les hybrides qui se trouvent donc dans la zone hybride entre les mannequins à col doré et les mannequins à col blanc, et ben finalement ils sont assez bon, déjà il y a un crime de variation, ce qui est assez logique parce que plus vous vous rapprochez de la zone de répartition du mannequin à col doré, bah, plus vous allez avoir des oiseaux qui vont ressembler au mannequin à col doré même s'ils sont hybrides, et plus vous vous rapprochez de la zone des mannequins à col blanc, plus vous avez des oiseaux qui ressemblent physiquement au mannequin à col blanc. Mais ils avaient déjà remarqué à l'époque, il y a 30 ans, que la population hybride, donc qui se trouve entre les deux, et ben avait plus tendance quand même à ressembler au mannequin à col doré qu'au mannequin à col blanc. Et bon, il se disait, tiens, c'est quand même curieux, pourquoi la question se posait. Et dans la recherche actuelle, donc dans la nouvelle publication qui a été faite, et ben ils ont constaté plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement la population hybride avait plus tendance à ressembler au mannequin à col doré, et moins à celui à col blanc, et qu'il fallait vraiment se rapprocher très très près de la zone du mannequin à col blanc pour avoir des oiseaux avec des cols effectivement blancs. Sinon, avant ça, ils étaient plus dans les dorés, dorés-jaunes. Mmh. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on va retrouver au milieu de la zone hybride un point central où vous allez avoir des oiseaux qui ont 50% de mannequin à col blanc et 50% de mannequin à col doré dans leur génétique. Donc vous allez vraiment arriver au point central de cette zone d'hybride. Et en fait, vous vous rendez compte qu'au point central de la zone hybride, eh ben, on n'est pas du tout au point central au niveau du physique des oiseaux hybrides. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont 50% okay. avec des colliers blancs, 50% en collier blanc et 50% en collier d'or, eh ben, en fait, physiquement, ils ressemblent au mannequin à collier d'or. Okay, c'est marrant, hein. Donc c'est 50-50, mais pourtant, en physique, c'est pas ça qui se passe. Incroyable. Et en fait, du coup, bon, la question se pose, et l'une des hypothèses, c'est évidemment que les gènes qui sont impliqués dans cette coloration sont peut-être récessifs chez le mannequin à col blanc, évidemment, et on va avoir des allèles donc récessifs pour le mannequin à col blanc comparé aux allèles qu'on retrouve chez le mannequin à col doré, ce qui expliquerait que les hybrides ont plus tendance à ressembler au mannequin à col doré. À une exception près, au niveau de la coloration du ventre. Il y a une trentaine d'années, les mannequins qui avaient été observés dans cette zone hybride avaient un ventre qui était de coloration par contre assez moyenne entre les deux animaux. Donc je vous rappelle, le mannequin à col doré a un ventre plus vert olive, donc un vert assez foncé, et le mannequin à col blanc a un ventre plutôt jaune, donc assez pétant d'ailleurs au niveau de la couleur. Donc on avait des oiseaux au milieu qui se retrouvaient avec un ventre avec une couleur un peu entre les deux. Sauf que dernièrement, et dans cette étude de cette année, ils ont retrouvé qu'en fait, les oiseaux de la zone hybride, ils avaient plus vraiment cette couleur un peu entre les deux, ils avaient plus souvent une couleur de ventre qui était plus proche du mannequin à col doré. Alors l'une des hypothèses qui est apportée dans l'étude, c'est qu'en fait, il y aurait peut-être une pression de sélection sur cette population hybride pour avoir un ventre qui soit plus foncé que le ventre du mannequin à col blanc, qui semblerait okay. peut-être pas exactement tout à fait adapté à cet endroit-là, et que, bon, on a une petite pression de sélection donc sur cette population d'hybrides. Est-ce qu'on a une idée de la pression de sélection ? Non, je sais pas exactement pourquoi. C'est l'une des hypothèses qui est avancée, donc faudra certainement creuser un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, il y a une différence depuis la population d'il y a 30 ans jusqu'à cette population actuelle, c'est la coloration du ventre, mais pour le reste, on est dans ce qui s'appelle une zone hybride stable. Alors, vous avez plusieurs types de zones hybrides. Vous en avez trois principales. Vous avez la zone hybride qu'on appelle la zone de diffusion neutre, où là il n'y a pas de sélection contre les hybrides et vous avez un gradient de gènes qui va plus ou moins être la même chose, et au fur et à mesure vous allez vous retrouver vers une homogénéisation en fait de la population. Donc il n'y a pas vraiment de contre-sélection contre un gène ou un autre, ou contre l'hybride ou contre le parent. C'est plus ou moins l'impression qui semble se sortir de cette zone-là. Mais vous avez aussi deux autres possibilités. Vous avez soit ce qu'on appelle une zone de tension, où là vous avez une contre-sélection des hybrides, c'est-à-dire que les hybrides sont peut-être moins bien adaptés à leur environnement comparé aux espèces parentes. Dans ces cas-là, ils ont moins de chances de survie. Et vous avez l'inverse, qui est la zone de supériorité hybride, où là, vous avez l'hybride qui est en fait plus adapté que les espèces parentes, et dans ces cas-là, c'est lui qui va prévaloir dans l'environnement et qui va petit à petit remplacer les espèces qui étaient là précédemment. Quelque chose qui peut arriver finalement assez facilement dans notre monde actuel, avec tous les changements climatiques qui sont en place, parce que souvent les espèces hybrides vont être des espèces qui sont un peu moins spécialistes que les espèces parentes. Elles vont peut-être être capables, par exemple, de manger un petit peu plus de trucs, elles vont être plus capables peut-être de se satisfaire de conditions qui sont un peu différentes que les espèces de base qui sont vraiment très très spécialisées dans ce qu'ils font, ou peut-être qui sont très inféodées à un milieu en particulier et qui vont avoir du mal si ce milieu commence à changer. Voilà. Okay. Donc ça, c'est ce qui peut arriver actuellement avec tous ces phénomènes de changement. Alors ça peut paraître un peu compliqué, et néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le YouTube du Courrier de la Sterne pour les poser, ou directement à Sophie sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus, parce que c'est pas forcément évident à comprendre toutes ces oui. histoires. C'est vrai. Donc, et puis surtout sans schéma, bon, je vous encourage absolument. Quand même à aller voir la publication, parce qu'il y a des petites des petites images, ils ont fait des cartes, ils ont fait ce genre de choses qui sont quand même assez bien faites en couleurs et tout. Donc il y a vraiment moyen de voir cette zone hybride entre les deux zones de répartition des espèces originales, voir un petit peu la coloration de l'animal aussi, c'est intéressant. Et voir aussi en détail tous les prélèvements qu'ils ont pu faire dans cette population, parce qu'ils ont quand même prélevé, je crois, à peu près 600 individus au total pour arriver à avoir une bonne idée de ce qui se passe à différents endroits de la répartition de ces deux espèces et des hybrides, pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Donc c'est quand même une étude qui a un sacré bagage derrière. Et qui est solide, ouais. Voilà, ouais. Donc c'est intéressant à lire, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Et puis finalement c'est quelque chose d'intéressant parce que là on étudie donc une zone hybride, quelque chose qu'on connaît pas forcément très bien. On a tendance à se dire qu'une espèce c'est quelque chose d'assez immuable, quelque chose qui reste dans son coin, quelque chose qui ne s'hybride pas avec le reste, et on commence à comprendre que bah les espèces c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus changeant, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, et c'est quelque chose qui peut tout à fait s'hybrider avec d'autres choses sans pour autant perdre les problèmes de fertilité, comme on en entend souvent parler. D'ailleurs, c'est quelque chose dont ils parlent dans l'étude, la fertilité de ces hybrides, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont capables de se reproduire entre eux ou pas? Eh bien oui, ils se reproduisent tout à fait entre eux, sans aucun problème, avec peut-être un petit désavantage, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous avez deux parents comme ça, chez les hybrides, il peut y avoir des mélanges de gènes qui sont pas forcément très heureux, et qui vont induire après des problèmes développementaux chez les animaux. Et dans ces cas-là, eh bien l'animal tout simplement n'arrive pas à éclosion. Chez les oiseaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'une fois que l'oiseau a éclos, là, il n'y a pas de problème de survie. C'est comme les deux autres espèces parentes, l'animal a autant de chances de survie. C'est juste au niveau du développement du fœtus, et donc du petit bébé oiseau dans l'œuf, que là, il peut y avoir plus de mortalité que chez les deux espèces parentes. Intervention d'un gène létal dans certains cas? Bah, possiblement d'une combinaison de gènes qui serait létale pour l'animal. Ou alors peut-être le développement ne se fait pas correctement parce qu'il ne sait pas exactement les bons gènes qui sont là au bon moment. On rappelle que le développement, les gènes du développement, les gènes OX et ce genre de choses, c'est quand même quelque chose qui est minutieusement réglé, hein. C'est quelque chose de très très très complexe. Si les gènes ne s'activent pas exactement au bon endroit, au bon moment, pendant le développement, eh ben il y a arrêt du développement et mort de l'embryon, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, ça arrive. En tout cas, merci beaucoup pour cette étude que vous pourrez bien évidemment retrouver dans la description. Avec plaisir. Bon, et du coup, toi, tu vas nous parler d'un sujet un petit peu plus fun, peut-être, parce que là, on a sorti fun, beaucoup de mots scientifiques. Je ne sais pas si ce sera plus fun. Je vais vous parler de blottissement, ou huddling en anglais. Je ne sais pas s'il y a un véritable terme dans l'ornithologie française pour définir ce comportement, mais grosso modo, ce sont des oiseaux qui se réunissent sur une branche et qui s'agglomèrent entre eux pour notamment passer des mauvaises conditions de très basse température. Vous avez quelques photos qui circulent sur Internet de ce comportement. Pour nous, Français, on voit ça parfois chez les oritalonques. Voilà, pour vous donner une petite idée du comportement qu'on peut voir. On peut aussi le voir chez les hirondelles, mais c'est un petit peu plus rare. Mais ça fait partie de ces comportements que l'on peut voir. Néanmoins, on va ni parler d'hirondelles, ni parler de mésanges, ou plutôt d'orites. Oh, lapsus révélateur. Oh, attention. Attention. Je joue ma carrière sur cette phrase. On va parler de la colombe Inca que l'on trouve aux États-Unis, qui est la plus petite colombe que l'on peut trouver aux États-Unis, et pas d'ailleurs qu'aux États-Unis, puisqu'on peut également la trouver en Amérique centrale, Mexique, jusqu'au Guatemala. Et le huddling, c'est-à-dire le blottissement de cette espèce, est très intéressant parce qu'au lieu de se faire de manière, on va dire, longiligne, c'est-à-dire tous les individus qui s'additionnent les uns à côté des autres, eh bien, il va se faire en forme de pyramide. C'est-à-dire qu'on va avoir des oiseaux qui vont se poser sur une branche, puis d'autres qui vont se poser sur le dos de leurs camarades, et d'autres qui vont se poser sur le dos de leurs camarades, et ainsi de suite. Mais ça donne une image. Alors non, ça donne pas des choses gigantesques, hein, bien sûr. On n'est pas sur des cinquantaines d'individus, maximum 12 individus. Qui ont été observés dans la nature. C'est déjà pas si mal, c'est déjà quand même un chiffre très très raisonnable. Alors on remonte en 1986 pour cette étude qui a été publiée dans une nouvelle version de The Condor qui est donc de juillet de cette année et republie de temps en temps des vieilles études comme ça. Et donc qui parlait justement de ce phénomène de blottissement. On parlait du fait qu'on le trouvait chez l'orita longue queue et chez d'autres espèces. On peut le trouver aussi chez les étourneaux. On peut le trouver aussi chez le manchot empereur. L'objectif de ce blottissement, concrètement, c'est de perdre moins de graisse et aussi d'économiser de l'énergie pour éviter justement notamment d'être en hypothermie. Quoique, on va voir que l'hypothermie va avoir un rôle assez intéressant chez la colombe Inca. Deux observations qui ont été réalisées. Une première observation qui a été réalisée par Breninger et Johnston. Ce sont eux qui ont observé la population d'Arizona, qui ont décrit ce comportement. Un comportement donc qui a été par la suite identifié au Texas en 1977 par un observateur et qui a été observé continuellement pendant 7 hivers consécutifs. Rien que ça. On a une figure qui est présente dans l'étude qui vous montrera un petit peu comment s'empiler justement ces oiseaux. Et c'est là qu'on apprend qu'on avait à peu près une douzaine d'individus qui étaient répartis sur 3 étages, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors les pyramides, elles sont souvent dynamiques, c'est-à-dire que les individus bougent au bout de quelques minutes pour pouvoir se percher. C'est un comportement qui est observé de nuit ou à la tombée la nuit. On a une autre observation qui a été réalisée, cette fois-ci elle a été réalisée en 1887, elle a été réalisée en 1960. Cette observation, elle met en évidence que ce comportement n'a pas lieu de nuit, mais a lieu de jour. Et ça, c'est intéressant parce que pour l'instant, jusqu'à cette période, on ne connaissait pas ce comportement qui pouvait avoir lieu de jour. Mm-hmm. On pensait que ce comportement pouvait être uniquement nocturne. Et on s'est rendu compte en réalité qu'à partir d'une température extrêmement basse, moins 6 degrés pour être précis, on avait des pyramides qui se formaient. Et la fréquence de ces pyramides diminuait en fonction de la température. Plus on avait une température importante, plus la fréquence de ces pyramides diminuait. Ce qui est assez intéressant, finalement. Évidemment. Ce qui est assez intéressant, c'est que la colombe Inca, comme vous pouvez sans doute vous en douter, puisque j'ai parlé du Texas, j'ai parlé de l'Arizona, j'ai parlé du Nouveau-Mexique, j'ai parlé de l'Amérique centrale, comme vous pouvez donc vous en douter, c'est un oiseau qui est tropical et semi-tropical. Mm. Autrement dit, c'est un oiseau qui n'apprécie pas les faibles températures ou les très faibles températures. Et de temps en temps, on retrouve, lorsque on n'a pas justement ces phénomènes de pyramides, des individus qui meurent parce que les températures sont beaucoup trop basses. Oui. Et c'est ainsi que l'on a mis en évidence le fait que ces oiseaux, les colombes Inca, étaient capables à la fois de se former en pyramide pour justement augmenter leur température corporelle, mais aussi économiser de l'énergie, mais aussi être capables de faire de l'hypothermie. Mmh. Alors, le papier ne rentre pas spécialement extrêmement bien dans le détail de cette hypothermie, mais ces deux comportements sont concomitants pour faire en sorte que les colombes Inca puissent survivre à ces températures extrêmement faibles. Et on suggère que ces mécanismes prennent petit à petit leur propre relais, c'est-à-dire que le phénomène de pyramiding, comme les appelle l'anglais, ou l'empilement, comme on pourrait l'appeler de notre côté, a lieu davantage le jour, alors que l'hypothermie, elle, a lieu davantage la nuit. Voilà pour la colombe Inca, avec donc un phénomène qui a été relaté, qui font partie finalement de ces différentes observations que l'on peut faire, comme vous et moi, qui, constitue le sel de l'ornithologie, à savoir la science participative, parce que bah, ce sont des phénomènes que l'on observe comme ça de temps en temps, qui ne sont pas forcément référencés, pas forcément documentés, et qui tombent par la suite jusqu'à eh bien, le domaine scientifique. Et là, on peut effectivement sortir des informations assez intéressantes. L'hypothermie nocturne telle qu'elle est nommée sur Birds of the World est capable de descendre de 5 à 12 degrés par rapport à la température de l'oiseau, qui va être située généralement à 37-38 degrés en fonction des oiseaux, bien sûr. D'accord. Oui, c'est quand même pas si mal. Mais je trouve quand même que c'est génial. La vision de ces oiseaux qui font une pyramide, on se demande si on n'est pas en train de faire de la gymnastique rythmique et sportive. Là, Vous avez une petite photo qui circule sur Internet. Vous aurez l'occasion de voir ça. C'est un phénomène qui a été photographié. Petite anecdote par rapport à deux petites anecdotes par rapport à cette Colombinka. Première fois qu'elle a été vue au Texas, c'était près d'Austin en 1903. Désormais, la carte de répartition, puisque je l'ai devant les yeux, de la Colombinka s'étale sur quasiment tout le Texas. À l'entrée de l'Oklahoma, la Nouvelle-Orléans, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, comme on en parlait, et ça descend jusque, comme je l'ai dit, au Guatemala. Et assez intéressant, je crois que c'est le Honduras qui n'accueille pas cette espèce. Ah bon ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais le Honduras, si je suis bien situé et si je connais bien ma géographie des pays d'Amérique centrale, le Honduras n'accueille pas cet oiseau. Ah oui. Et autre petite particularité, cet oiseau serait capable de changer de couleur. Alors, changer de couleur, pardon, je refais ma phrase. Changer de couleur. Cet oiseau Attends. Serait capable de changer de couleur ses yeux. Ah oui, d'accord. Et comment il fait tu ça en sais, tu en sais plus? Non, je t'avoue que non. Eh ben moi non plus, je peux pas en savoir parce que l'étude, malheureusement, n'est pas accessible sur Internet. Ah, c'est une étude qui date de 1982 et malheureusement, eh bien, 1968, pardon, et malheureusement, eh bien, celle-ci n'est pas trouvable sur le net, mais voilà, capacité de changer l'iris de couleur chez cet oiseau. Mais voilà, vous savez désormais que les oiseaux sont capables de faire de la gymnastique artistique quand il fait froid. Et d'ailleurs, un truc très intéressant, je reviens beaucoup, ces oiseaux sont connus pour être extrêmement agressifs en période de reproduction. Ah. Et quand vient l'hiver, eh ben, c'est grosso modo drapeau blanc, on enterre l'âge de guerre et on se protège les uns les autres. D'accord. Oui, ils sont agressifs entre eux, pas envers nous, ou si ils sont agressifs non, envers non, nous non, aussi. Non, ils sont visiblement particulièrement agressifs lors des périodes de reproduction, d'après le papier que je vous laisserai en description, bien sûr. Bon, enfin, c'est quand même marrant cette histoire de pile, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les oiseaux qui se mettent en rang d'oignons sur une branche quand il fait froid, là, et de se serrer les uns contre les autres, mais les uns sur les autres, par contre, à part les bus de Harris, j'avais pas vu grand-chose du même style. C'est assez fou et ça permet parfois de sauver 50 à 100% de la température corporelle de l'oiseau. Ce qui est quand même non négligeable hein, lorsqu'on a des températures qui sont très froides. Ouais. Après, je pense qu'il y a un turnover qui doit se faire, qu'il y a peut-être aussi des conditions sociales qui imposent la place de certains individus dans le groupe. Ça peut être intéressant à regarder, mais est-ce que ce serait pas un peu comme les manchots qui tournent ? On sait, on connaît cette espèce de toupie que les manchots font, où en fait ils tournent pour avoir de la chaleur, ils se mettent tous en groupe, là, et les individus du centre finissent par retourner sur les côtés, et les individus des côtés finissent par rentrer au centre pour avoir le maximum de chaleur. Est-ce que ce serait pareil ? Mais je pense roulement. Je pense que ce serait comme ça. C'est quelque chose qu'on observe notamment. On a parlé de l'orite en tout début de partie. Chez l'orite, ça s'observe comme ça, c'est-à-dire qu'on a des individus centraux qui vont par la suite devenir périphériques et les individus périphériques vont devenir centraux. Même si je crois quand même que en fonction de la classe sociale que l'on a, les individus vraiment centraux ne bougent quasiment pas de leur position. D'accord. De ce dont je me souviens. Mais je pense que ça doit être un phénomène qui doit fonctionner aussi de cette manière-là. Ce serait formidable qu'on ait des images de ce genre de comportement. Mais oui. Afin de pouvoir statuer tout ça. Et il y a peut-être d'autres études qui ont été faites. Hein. J'ai pris une étude datant de juillet 86. Donc pensez-vous que ce comportement a peut-être été documenté, encore mieux documenté que comment dire que le papier que je vous ai que le papier que j'ai eu l'occasion de traiter aujourd'hui. Bon, bah, très bien. On attendra la suite avec impatience, alors, si tu me trouves suite. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Après, avis aux scientifiques, n'hésitez pas à faire des papiers sur la colombe Inca, et nous les travaillerons dans le courrier de la Sterne. Voilà. Oui. C'est super. La fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Mais merci à toi pour un truc très intéressant dont j'avais pas connaissance, tu vois. Eh ben écoute, comme quoi. Bon, on en apprend tous les jours chez les oiseaux, ça qui est formidable. Absolument. Sophie, on te retrouve sur Twitter, on te retrouve sur Instagram, on te retrouve sur YouTube. Entracte Science, bien sûr, ça c'est sur YouTube. Le Plumeux, c'est sur Instagram et c'est sur Twitter. Vous retrouvez l'émission, bien évidemment, en podcast sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, j'en passe, et des meilleurs, sur YouTube également. Vous nous retrouvez aussi en description si jamais vous avez des questions à nous poser concernant certains épisodes, comme par exemple l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas, notre canal YouTube est ouvert à toutes les questions et à toutes les interrogations. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'oiseaux. En même temps, ça s'appelle le courrier de la Sterne, ce serait dommage de parler d'autre chose. Allez, salut à tous et salut à toutes. À plus.